Chapitre deuxième, dans une flaque de sang. Dans la petite pièce qui servait d'entrée à l'appartement, un corps était étendu au milieu d'une mare de sang qui formait autour de lui comme un énorme cadre rouge. L'homme était tombé sur la face, les bras étendus, les jambes pliées. On ne voyait que son dos et le derrière de sa tête. Il était vêtu d'un veston brun. Une casquette se trouvait à un demi-mètre de sa tête, trempant dans le sang. Sur l'escalier, tout le monde s'était tu. On regardait cette porte derrière laquelle se cachait un mystère. M. Piedebœuf montra son visage dans l'embrasure. « Gâtapierre ! » criait-il de sa voix de stentor. « Ici !» L'ancien inspecteur dégommé ne songea même pas un seul instant à discuter. La discipline reprenait son empire. « Présent !» répondit-il en dégringolant les quelques marches qui le séparaient du troisième palier. « Tu es mince, entre !» lui ordonna Piedebœuf. Gâtapierre s'introduisit à son tour dans l'étroite ouverture et quand il eut disparu, on entendit un nouveau juron qui corrobora le premier. « En v'là un margouille, » dit-il en montrant la flaque de sang. « Faut pas s'émouvoir, » répliqua Piedebœuf. « Retournons le corps et déblayons la porte, on verra après. Mais on va se salir. Tu es bien dégoûté, allons, prends les pieds, bois la tête et enlevons. » Unissant leurs efforts, les deux hommes soulevèrent le corps et le retournant, le posèrent un peu plus loin, le long de la muraille. Un tout jeune homme, fit Gâtapierre, le pauvre garçon. Et qui a son compte, compléta Piedebœuf. Tiens, regarde ça. Ça, c'était le manche d'un couteau dont la lame disparaissait tout entière dans le ventre du malheureux. Mort, bien mort, trois fois mort, prononça l'ancien sous-chef de la sûreté. C'est un maître coup qui l'a tué. Si qu'on retirerait le couteau, proposa Gâtapierre. Pas de ça, Lisette. Ne donnons pas barre sur nous à ces messieurs de la tour pointue qui seraient trop contents de nous trouver en faute. N'oublie pas, vieux copain, que nous ne sommes plus ce que nous avons été et qu'on nous chanterait pouille si nous marchions dans les plates-bandes de l'autorité. Hé, vous autres, cria-t-il aux gens de l'escalier, avertissez les sergots de la rue. Qu'un de vous aille prévenir le commissaire de police et plus vite que ça. Il y eut une dégringolade, chacun se précipitant pour exécuter l'ordre reçu. Le concierge, M. Blot, homme mûr et calme, et la femme de ménage, Mme Trollet, femme d'âge et de sens rassis, restaient sur le palier. « Monsieur Piedebœuf, demanda M. Blot, est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de voir un peu là-dedans ? Un instant. Ça n'est pas si beau à regarder, un homme qui a 6 pouces de fer dans les boyaux. Attendez un peu, je fais des constatations importantes. » En effet, tournant autour de la flaque de sang, il regardait attentivement. Aucune trace de pas ne se voyait dans la mare rouge, et pourtant, au premier coup d'œil, il semblait que la casquette, tombée là, n'appartint pas à l'homme assassiné, tant elle paraissait grande et disproportionnée à l'envergure de sa tête. « Cette coiffure-là doit être à l'assassin, » prononça Piedebœuf. « D'ailleurs, regarde, Gâtapierre, boulevard Ménilmontant. Ça a appartenu à quelque apache de là-bas. Mais voyons donc de près le particulier. » Malgré les taches de sang qui maculaient son vêtement, il était facile de reconnaître au premier coup d'œil qu'il n'appartenait pas à la dernière classe de la société. Des cheveux noirs, calamistrés, très brillants. Le teint blanc, les traits assez fins, sauf un nez très proéminent et insigne, sorte de poireau, qui formait une tache noire sur sa joue, du linge soigné, des mains qui n'étaient pas d'un travailleur. « Un jeune homme du monde, » fit Piedebœuf, « et c'est évident. » D'ailleurs, il suffit de regarder l'antichambre, de jolis bibelots au mur, des meubles propres. Voyons rapidement le reste de l'appartement. Il ouvrit une première porte et se trouva dans une sorte de cabinet de travail, coquettement agencé avec un bureau Louis XV, sur lequel des papiers épars témoignaient d'une besogne commencée et interrompue. Sur une crédence, des vases, des statues de Tanagra. Une bibliothèque renfermant une 50aine de volumes, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Laforgue, Edgar Poe. « Allons jusqu'au bout, » dit Piedebœuf, et il pénétra au fond dans la chambre à coucher. Bigre, le particulier avait d'étranges goûts. En effet, cette pièce ressemblait à une chambre funéraire, étant toute tendue d'étoffes noires, semée d'étoiles et de larmes d'argent. Le lit, très bas, porté aux quatre angles des têtes de mort et au-dessus de la tête, des os en croix mettaient une note funèbre. Sur la cheminée, quelques louis étaient éparpillés. « Comment diable l'assassin a-t-il abandonné ce butin ?» se demandait Piedebœuf, profondément intrigué. Ah, je comprends. La victime a voulu courir vers la porte. Le meurtrier l'a poursuivi, l'a frappé. Puis une circonstance quelconque, un cri, un râle, lui ont donné la frousse et il s'est enfui. Tandis que l'autre s'abattait derrière la porte, se claire comme le jour. Ah, des papiers. À ce moment, on entendait le concierge crier « Voilà le commissaire !» Par un mouvement peut-être involontaire, Piedebœuf voit les papiers dans sa poche. « Attention » dit-il à Gata-Pierre, « de la tenue !» Il allait vers la porte et l'ouvrant légèrement. « Vous êtes le commissaire de police ?»« Oui, monsieur. »« Eh bien, je dois vous avertir que derrière la porte où je me tiens s'étend une large mare de sang. Quand la porte tournera sur elle-même, elle balayera cette flaque. Je vous remercie. Ouvrez donc vous-même. » Piedebœuf exécuta le mouvement demandé, et comme il l'avait prévu, le bas de la porte racla le sang et décrivant des demi-cercles blanchâtres. Le commissaire entra, arrêtant du geste les deux inspecteurs dont il était accompagné. « Voici le cadavre, » dit Piedebœuf. « Obligé par la clameur publique de pénétrer à l'intérieur de ce logement, j'ai dû, pour entr'ouvrir la porte et me glisser, écarter le corps que j'ai transporté, avec l'aide de mon inspecteur, le long de ce mur. » Mais il se trouvait sur le ventre à cette place même où le sang se coagule en grumeaux. Vous remarquerez d'ailleurs que la partie antérieure du corps de ce malheureux est maculée de taches rouges. Et enfin, j'appelle votre attention sur ce manche de poignard dont la lame a été plongée dans son abdomen. Le magistrat l'écoutait attentivement. « Pardon, monsieur, qui donc êtes-vous? Vous parlez de votre inspecteur. Appartenez-vous donc vous-même à l'administration? J'ai y appartenu, monsieur le commissaire. » Piedebœuf, ancien sous-chef au service de la sûreté, démissionnaire. Le mot d'inspecteur m'est échappé par la force de l'habitude. Il n'y a là qu'un collaborateur bénévole. Et comment vous trouvez-vous ici? J'habite l'étage supérieur et j'ai été appelé par les locataires et par le concierge qui soupçonnait l'assassinat et n'osait pas pénétrer dans l'appartement. Je suppose n'avoir rien fait qui puisse prêter un blâme quelconque. Certes non, monsieur. Vous avez agi comme l'eût fait tout bon citoyen. « Quelqu'un connaît-il ce malheureux jeune homme ?»« Le concierge, je crois, et la femme de ménage pourraient être utilement interrogés. »« Ils le seront, tout à l'heure. »« Mon devoir est de faire avertir immédiatement mes supérieurs et le parquet. »« Inspecteur, » ajouta-t-il en s'adressant à un de ses agents qui restait immobile sur le palier, contenant la foule qui grossissait à chaque instant, « courez à la préfecture et informez qui est de droit de cet assassinat. »« En attendant, nous allons, avec l'aide de monsieur, » il désigna Piedebœuf, procéder aux premières constatations. Prévenez aussi le médecin du bureau que je l'attends sans tarder. Puis il interrogea rapidement le concierge. Monsieur Blou ne connaissait guère son locataire qui n'était dans la maison que depuis 2 mois, étant entré au dernier terme, en payant 3 mois d'avance. Il avait dit s'appeler Monsieur Firmin, étudiant venant de sa province, du Poitou, autant que le concierge pouvait rappeler sans souvenir. Il avait emménagé, sans qu'on sût au juste d'où venaient les meubles et les bibelots qu'il apportait. « Mais je n'avais pas à m'en préoccuper, » faisait remarquer M. Blot, puisque le propriétaire était doublement garanti. « Et quelle vie menait ce jeune homme ? Je ne pourrais pas trop vous dire. Quelquefois, il restait des 8 jours sans sortir, se faisant apporter sa nourriture par sa femme de ménage. Et puis tout à coup, il disparaissait pendant 3-4 jours. Il sortait ou rentrait sans jamais entrer dans la loge. Je puis dire encore que des voisins l'entendaient quelquefois parler tout haut, comme un acteur qui aurait répété un rôle. Et hier et cette nuit, qu'avez-vous remarqué? Pas grand-chose, mon commissaire. Je crois bien qu'il est sorti hier soir vers les 7-8 heures. Cette nuit, il devait être 2-3 heures quand je lui ai tiré le cordon. J'ai bien reconnu sa voix quand il m'a crié son nom. Était-il seul? Pour ça, j'ignore. À cette heure-là, on dort, sauf votre respect, comme une souche, et c'est tout ce qu'on peut faire que de tirer la ficelle. La maison me paraît bien singulièrement gardée. Ah, monsieur le commissaire, si on peut dire. Mais le magistrat, nanti de ces quelques renseignements, visitait maintenant les 2 autres pièces de l'appartement. Rien ne semblait avoir été dérangé. Le commissaire se pencha vers le bureau, examinant les papiers. Ce pauvre garçon faisait des vers, dit-il. En voici qui sont inachevés. Et il lut « Vagues humanités qu'un peu de fer dissipe, évadées de la mort que la tombe regrette, macabre détritus de l'ignoble néant. » « Ce sont des essais, » fit-il, « nouvelle école. » La chambre à coucher le plongea dans la stupeur. Le malheureux était un peu fou. ajouta-t-il, et il conclut. Ce n'était pas une raison pour l'assassiner. Il ouvrit les tiroirs des meubles. Pas de papier, fit-il. Le personnage paraît mystérieux. À ce moment, il se fit sur le palier un certain brouhaha. C'était M. Charlet et un substitut qui se rendaient à l'appel du commissaire. On entendit la voix du chef de la sûreté. « Faites évacuer l'escalier et n'y tolérez que les personnes qui peuvent fournir quelques renseignements utiles. Puis qu'on ferme la porte de la maison. Nous verrons ensuite. » Et il entra délibérément dans l'appartement, où il se trouva face à face avec M. Pied-de-Bœuf.